que tu suces. Après tu sors des excuses. Une mauvaise poussée, tu peux t'en prendre du dans le plexus. J'suis passé de l'arrêt de bus sur Urus. Et puis 2014, les épreuves dégustent. J'arrive à balle, j'te vois tout pâle, tout doux béné. J'suis pas Tupac, doré de platine, tu sais quand tu pas. Depuis quand tu me connais, pourquoi tu parles? On s'est en voyage, la peur n'emballe. Sois pas chez toi, y'a le black en bas. J'aime décider, pense que j'suis faire la campagne. En sous mauvais bord, j'me suis black Angus. Et je zane, zane, zane, pas même face à la télé. Des actions et le pire, c'est qu'ils sont pas gênés. Fume le pétou avec ma douce. Mon avion chasse ma douceur. Elle est trop belle, j'me pousse. J'sais que j'finirai pas douce. Fume le pétou avec ma douce. Mon avion chasse ma douceur. On est parti promener sous le sein. J'sais que j'finirai pas douce. Fume le pétou avec ma douce. Mon avion chasse ma douceur. Elle est trop belle, j'me pousse. J'sais que j'finirai pas douce. Fume le pétou avec ma douce. Mon avion chasse ma douceur. On est parti promener sous le sein. J'sais que j'finirai pas tout seul. Toute leur vie, ils ont fait semblant. Si je serais pas Joule, je les braquerais sans gants. J'ai pleuré en sanglots, je me suis mis sanglant. J'écoute tes problèmes et quand c'est les miens, tu t'en branles. Fais le trait, y'a que moi pour te sauver. Un petit feat, un petit clip, ça y est, hop, j'ai refait. Mais va faire le boulot, va faire le boulot. Ils veulent que je leur jette la boue alors qu'ils m'ont mis la tête sous l'eau. Ah ouais, là je suis saoulé, mais bon, je suis pas solo. Et me dis pas désolé. Skip, tu fais de four en four. Mon sang, c'est de pire en pire. Que tu t'agrippes de tour en tour. Mon sang de frigo, il faut le remplir. Avec ma douce, mon avion chasse ma douceur. Elle est trop belle, j'me pousse. J'sais que j'finirai pas douce. Fume le pétou avec ma douce. Mon avion chasse ma douceur. On est parti promener sous le sein. J'sais que j'finirai pas douce. Fume le pétou avec ma douce. Mon avion chasse ma douceur. Elle est trop belle, j'me pousse. J'sais que j'finirai pas douce. Fume le pétou avec ma douce. Mon avion chasse ma douceur. On est parti promener sous le sein. J'sais que j'finirai pas douce. J'ai parti mon empire, j'sens la beuh et le parfum Emporio. C'est la guerre, ça tirait encore. Y'a des stories, ici en pleine mort pour rien. J'ai frôlé la catastrophe, j'ai vécu 2-3-4 crises brouves. J'finis bloqué si j'accède 3-4 off. Et j'm'affole pas quand j'vois 3-4 fouves. Quoi que ça dise, mon cœur blanco ou blanco. C'est l'hiver, on se planque, qu'on est carbo. Le poteau il transpire, il est pas bien. Il est chargé comme un cargo. On fait pas de l'ombre au soleil, on fait pas de manière au sommet. Fais pas envie, on saura. Si t'étais voyou, gros, on saurait. J'te ferai coucou quand j'vais passer en Montsouris. Trop déçu des gens, j'ai levé le mot de sourire. Quand le chat n'est pas là, ils font l'idiot les souris. J'suis posé dans la play, j'suis sourime. Pendant que les Santos ils récitent des sourates. On fait le bien, mais les mauvais ils veulent pas. Ils peuvent pas aller, mais faire comment ils peuvent pas. J'ai le multistrada, j'ai les lunettes aux clés. Y'a pas rien là, papa. Ils restent me voir flopper. Je sais que les femmes plus que les hommes. De mental que les âmes. Ouh ouh ouh ouh ouh. J'veux toujours pas faire comme les autres. Ouh ouh ouh ouh. J'veux toujours pas qu'on me donne des ordres. Fume le pétou avec ma douce. Mon avion chasse ma douceur. Elle est trop belle, j'me pousse. J'sais que j'finirai pas douce. Fume le pétou avec ma douce. Mon avion chasse ma douceur. On est parti promener sous le sein. J'sais que j'finirai pas douce. Fume le pétou avec ma douce. Mon avion chasse ma douceur. Elle est trop belle, j'me pousse. J'sais que j'finirai pas douce. Fume le pétou avec ma douce. Mon avion chasse ma douceur. On est parti promener sous le sein. J'sais que j'finirai pas douce.